Gautier, c'est beau d'aménager votre espace tout en contribuant à ménager l'environnement. Avoir un chez-soi fabriqué chez nous, en Vendée, c'est beau de jolis meubles qui résistent à tout, au temps et même à vos enfants. Et des meubles à la mesure de votre mode de vie, c'est beau aussi. Rendez-vous sur gautier.fr. Gautier, fabricant français depuis 1960. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un poison qui hante l'Amérique depuis maintenant 150 ans, le Ku Klux Klan. Dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, ces trois cas renvoient des images en noir et blanc où l'on voit des individus regroupés à la nuit tombée autour d'une croix enflammée, robes et cagoules sur la tête, déclamant des paroles haineuses contre les personnes noires, les juifs, les communistes, enfin, tous ceux qui ne sont pas comme eux, qui ne pensent pas comme eux. On pensait s'étant révolu, enfoui. Eh bien, il n'en est rien. L'actualité de ces dernières semaines est venue nous réveiller, brutalement. Tête de gondole des suprématistes blancs, le Ku Klux Klan a su tout au long de son histoire renaître de ses cendres. Nostalgique sudiste, apôtre de la ségrégation, compagnon des mouvements fascistes, paramilitaires et nazis américains, ils sont les visages de l'Amérique supranationale, raciste, antisémite, violente. À l'écoute des archives du jour, vous serez sans doute mal à l'aise d'ailleurs, et à juste titre, en entendant certaines paroles, mais vous serez aussi tout aussi surpris de constater qu'à 10, 30, 50 ans d'écart, la haine résiste au temps et se propage de génération en génération. Le Ku Klux Klan n'a pas d'âge, il est d'hier et d'aujourd'hui. Parcourir son histoire, c'est se confronter à différents débats qui traversent l'Amérique autour de la liberté d'expression, des armes, de l'égalité et de la nation. Pour illustrer ces questions, nous avons fait le choix de vous raconter l'histoire de trois événements liés au Ku Klux Klan qui ont marqué l'histoire de l'Amérique, à Charlottesville en août dernier, à Birmingham en 1963 et à Greensboro en 1979. Pour parler de cette histoire parallèle de l'Amérique, nous recevrons en seconde partie Romain Huret, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur du livre « American Tax Resistors » et d'une tribune dans Le Monde au lendemain du drame de Charlottesville. Il nous attend dans les studios de Radio France à Bruxelles. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les statues meurent aussi, disait le titre du film documentaire de Chris Marker, Alain René et Ghislain Cloquet. Aux États-Unis, c'est contre la mort de certaines d'entre elles que les suprématistes blancs se sont réveillés et unis en cet été 2017 pour préserver à coups de crosse la mémoire de leurs héros déchus. Vestiges du passé pour certains, les statues renferment souvent des fantômes. Aux États-Unis, ils se nomment sécession, ségrégation, confédération. Depuis la fin de la guerre civile américaine, qui n'a duré pourtant que 4 ans, les nostalgiques sudistes n'ont eu de cesse de vouloir rejouer la partie, faire comme si la défaite des généraux de la Confédération favorable à l'esclavage n'avait pas eu lieu. En août 2017, galvanisé sans doute par les paroles souvent violentes à l'encontre des populations mexicaines, musulmanes et étrangères du nouveau président américain, les différents groupuscules d'extrême droite, dont le Ku Klux Klan, ont appelé à un rassemblement à Charlottesville, dont la municipalité a décidé de déboulonner la statue du général sudiste Robert Edward Lee. Et c'est ainsi que, dès le 11 août 2017, à la tombée de la nuit, torche à la main, des clanistes ainsi que des militants de groupuscules nazis et de la mouvance All Right ont marché dans les rues de Charlottesville en scandant ces slogans « Les Juifs ne vont pas nous remplacer, le sang et la terre, les vies blanches comptent ». Un siècle plus tôt, en 1917, année où l'on décida d'ériger cette statue de Robert Edward Lee, le souvenir de la Confédération avait déjà le vent en poupe. En 1915, un film intitulé « Naissance d'une nation » de David Griffith avait donné une nouvelle place au camp sudiste dans l'imaginaire américain. Tiré d'un roman intitulé « The Klansman, Naissance d'une nation », il raconte l'histoire d'une famille sudiste au lendemain de la défaite, vivant sous la coupe des gens du Nord et d'une milice d'hommes noirs, ivrognes, pillards, violents et violeurs qui s'en prennent aux veuves et aux orphelines. Ces sudistes abandonnés à leur sort n'ont comme seul soutien que les chevaliers du Ku Klux Klan, dépeints comme des libérateurs, guerriers, sauveurs. Ils seront plus de 500 millions à voir ce film qui restera jusqu'à Autant n'importe le vent le plus vu aux États-Unis. Grâce à ce succès, le Ku Klux Klan, né en 1866, qui s'était dissous depuis plusieurs décennies, réapparaît. À l'aide d'une campagne de presse innovante, de meetings autour du thème de l'américanisme à 100%, le clan recrute à tour de bras et atteint, selon les plus fortes estimations, le nombre de 8 millions d'adhérents en 1924. En quelques années, l'organisation change de dimension. Jusqu'alors secrète, elle devient publique, politique et ambitieuse et réussit à faire élire juges, gouverneurs, sénateurs et obtient même, selon la rumeur, les faveurs de futurs présidents. En 1925, à Washington, devant la Maison Blanche, ils sont plus de 40 000 à défiler arborant toges blanches et capuchons pointus. Charlottesville se trouve à peine à 200 km de la capitale fédérale. En août dernier, les héritiers lointains de ces marcheurs, unis autour du mot d'ordre « Unite the Right », avaient-ils en tête ce défilé? Rêvaient-ils d'un grand soir de la revanche sur les Yankees? Le 12 août, le jour officiel du rassemblement pour défendre la statue de Robert Lee, ils sont des centaines à se retrouver au petit matin. Au sein de la foule des suprématistes, on y rencontre de jeunes blancs, cheveux rasés et chemises blanches, des hommes plus âgés, puis des vétérans de l'armée, casquettes vissées sur la tête. La plupart sont armés de boucliers et de bâtons. Certains sont en tenue paramilitaire. En face d'eux, ils trouvent les militants antiracistes, des hommes et des femmes de tout âge et couleur de peau. Une foule bigarre et qui scande « Pas de KKK, pas d'États-Unis fascistes ». Après quelques minutes de face à face, les premiers coups pleuvent. Face à cette violence, la police anti-émeute intervient et interdit le rassemblement. Les suprématistes cherchent alors un autre lieu où se rassembler. Présente dans leur rang, une journaliste du média Vice News enregistre la réaction de David Duke, figure phare de l'extrême droite américaine, ancien leader des Knights of Ku Klux Klan et supporter revendiqué de Donald Trump. Il s'agit d'un extrait du reportage intitulé « Race et terreur ». On avait l'autorisation de s'exprimer, mais ils ne nous ont même pas laissé brancher nos micros au baffle, parce qu'ils ne veulent pas nous entendre, parce qu'on dit la vérité. On parle du nettoyage ethnique de l'Amérique et de la destruction de l'American Way of Life. Pour une nouvelle société bolchevique, sans liberté, ni liberté de parole dans ce pays. C'est vraiment le chemin que prend l'Amérique, et ça doit changer. La journée aurait dû s'arrêter là. Mais au début de l'après-midi, à l'angle de la 4e rue et de Water Street, où se sont rassemblés une partie des militants antiracistes, une voiture surgit. James Alex Fields, un néo-nazi de 20 ans, percute la foule, puis s'enfuit, laissant derrière lui des dizaines de personnes gravement blessées et le corps d'une femme sans vie. Elle s'appelait Heather Heyer. Elle avait 32 ans, elle était assistante juridique. Le lendemain, l'acte est qualifié de terroriste. Il s'agit de la 85e attaque de ce genre recensée aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. 62 sont le fait des suprématistes blancs. Alors, sommes-nous à l'orée d'une nouvelle ère du Ku Klux Klan? Depuis quand cette organisation et ses héritiers hantent-ils l'Amérique? Est-ce que vous êtes pour ou contre la ségrégation? Are you for or against segregation? We are against it. Je suis contre. Why? Pourquoi? Well, because we have a little girl that goes to school and we wouldn't approve of it. We have been raised differently and our Bible speaks that we should be against it. C'est la Bible qui nous dit que nous devons être contre l'intégration. Je suis pour la ségrégation. Why? Pourquoi? Well, that's our custom down here. We just don't believe in that Nixon or the racists would work out. Parce que c'est notre coutume ici, et je ne crois pas qu'il faille que les races se mélangent. Would you like to go to school with colored children? Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits noirs? No. Pourquoi? Why? I don't know. Je ne sais pas. Telle est la vision du monde et de l'Amérique de ces blancs de l'Alabama en 1963. 9 ans plus tôt, en 1954, le débat autour de la ségrégation est devenu un sujet à la une, quand la Cour suprême a décidé l'interdiction de la ségrégation dans les écoles publiques. À partir de cette date, le combat pour les droits civiques de la communauté noire reprend des couleurs, sauf qu'au même moment, Ku Klux Klan, qu'on pensait endormi, se réveille, lui aussi, Dans différents États, de nouvelles organisations non folkloriques comme les Chevaliers confédérés de l'Alabama ou les Chevaliers blancs du Mississippi se constituent pour défendre le principe de la ségrégation et lutter par tous les moyens contre les mouvements de défense des droits civiques. L'une des villes qui sera le théâtre de l'affrontement entre ces deux Amériques se nomme Birmingham, en Alabama. Tout a commencé le 2 septembre 1957. Ce jour-là, Edward Aaron, un ancien soldat afro-américain de la Seconde Guerre mondiale, se promène main dans la main avec sa compagne dans la rue. Soudain, à proximité d'un carrefour, des véhicules ralentissent à sa hauteur. Il entend une voix qui lui demande de s'approcher. Derrière lui, deux hommes l'empoignent. Aaron se débat, mais un coup de crosse de revolver l'assomme. Quand il se réveille, il est au sol sur le plancher de la voiture, pistolet sur la tempe. Ses agresseurs l'emmènent alors dans un bâtiment situé à l'est de la ville où il est ligoté à une chaise. Face à lui, six hommes portant robe et cagoule blanche l'entourent et ils le tabassent, l'insultent. Puis ils lui tranchent le scrotum avant d'asperger la plaie d'essence. Ils jettent ensuite son corps au bord d'une route. Ils le pensaient mort, sans doute. Mais par miracle, Edward Aaron est repéré puis sauvé à l'hôpital. Ses tortionnaires sont arrêtés, ils sont tous du Ku Klux Klan. Quatre sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, mais en 1963, ils sont de nouveau libres. Pourquoi ? Bien parce que cette année-là, en Alabama, un nouveau gouverneur est élu. Il s'appelle George Wallace. Ségrégationniste convaincu, il prononce le jour de son investiture cette phrase « La ségrégation hier, la ségrégation aujourd'hui, la ségrégation pour toujours ». Terre des ségrégationnistes de l'immunité pour les gens du clan, Birmingham est choisi cette même année par le pasteur King et ses compagnons pour lancer une nouvelle campagne dans la lutte pour les droits civiques. Le 3 avril 1963, Martin Luther King y présente un manifeste où il demande le droit pour les Noirs de participer au rêve américain. Pendant des semaines, il organise des sit-ins, des réunions publiques et des manifestations. Peu à peu, dans chaque camp, la tension augmente et le clan choisit les bombes pour marquer sa présence. En Alabama, on a dit trop tôt que les choses s'arrangeaient, dit trop tôt que l'accord s'était fait pour ouvrir aux Noirs les portes qui leur étaient fermées. La nuit dernière, à Birmingham, des hommes au visage barbouillé de noir de fumée ont jeté depuis une voiture des bombes contre le domicile du frère de Martin Luther King, le leader des intégrationnistes noirs. La conséquence, des manifestations immédiates des Noirs, des pierres contre la police. Bref, dans le vieux Sud, en Alabama, il y a des récalcitrants. Des bombes, des attaques nocturnes, mais aussi une répression légale. Oui, celle du shérif de la ville, Bill Connor, un ségrégationniste notoire. Sous ses ordres, au mois de mai 1963, les chiens sont envoyés sur les manifestants. Grâce aux images de la télé qui montrent des hommes, femmes, des enfants, violemment ballottés par la force des lances à eau, attrapés par les chiens, l'indignation devient celle de tous. Quelques semaines plus tard, le 28 août 1963, ils sont plus de 250 000 personnes noires et blanches à marcher dans les rues de Washington pour demander l'égalité pour tous. Ce jour-là, Martin Luther King évoque son rêve pour l'Amérique et John Fitzgerald Kennedy reçoit l'ensemble des représentants de la marche. Alors, le lendemain, on pense que l'Amérique a repoussé ses vieux démons. Mais non. À Birmingham, ils réapparaissent dès le 15 septembre. À 10h23, en effet, 19 bâtons de dynamite anéantissent en partie la paroi sud de la 16e rue Baptist Church, au cœur du quartier noir de Birmingham. Quatre enfants noirs, Denis, Cynthia, Carole et Adi, âgés de 11 à 14 ans, y perdent la vie. Le lendemain, le journaliste de France Inter, Robert Seize, est sur place. Je suis rentré il y a quelques instants dans l'église baptiste de la 16e rue. Dans cette église, tout est par terre. Seule chose intacte, un petit vitrail représentant l'enfant Jésus guidant deux petits enfants. C'est dans cette église, je vous rappelle, que quatre petites filles noires ont trouvé une mort atroce, assassinées sans doute par un fou dont la tête est aujourd'hui mise à prix. Hélas, ce n'est pas les 5000 dollars de récompense offerts par le gouverneur Wallace qui rendront la vie à ces petites innocentes dont le seul crime était de penser qu'elles étaient comme tout le monde. Ici Birmingham, Alabama, à vous Paris. Dès les premiers jours de l'enquête, la police d'Alabama, comme le FBI, oriente leurs recherches vers quatre hommes appartenant à une branche locale du Ku Klux Klan. On connaît donc le nom des probables assassins de l'attentat dans l'église et pourtant, les investigations sont interrompues. Il faut dire que depuis sa création en 1866, le clan a toujours obtenu de la part de certaines autorités des largesses qui lui ont permis de terroriser, lâcher, torturer et parfois assassiner. L'impunité de certains membres du KKK s'explique par des complaisances au sein de la police, du FBI, mais aussi au sein de la population, comme lors de l'assassinat de Viola Liuzzo. Ce drame s'est déroulé le 25 mars 1965. C'est après les marches de Selma à Montgomery pour le droit de vote que cette mère de 5 enfants, militante blanche des droits civiques, est assassinée de 2 balles dans la tête alors qu'elle est au volant de sa voiture. Le lendemain, le président Johnson annonce lui-même à la télé l'arrestation des assassins de la jeune femme. Après avoir signé en 1964 le Civil Rights Act, qui rend illégales les discriminations raciales, le successeur de Kennedy a fait de l'anéantissement du clan l'un de ses objectifs. Il crée donc une commission d'enquête sur l'organisation. Mais le président Johnson ne peut rien contre la volonté d'un jury populaire. En effet, en mai 65, lors du procès des 3 assassins de Viola Liuzzo, le jury constitué exclusivement de personnes blanches décide de ne condamner aucun des individus arrêtés. Quelques jours plus tard, les assassins sont même ovationnés lors d'un meeting du clan. Un journaliste de la télé française filme cette célébration et enregistre les paroles de certains militants. On est en marche, disent les nègres. On est en marche pour vous marcher sur la figure, qu'ils disent. Eh bien, moi, je leur dis aux nègres, nous aussi, on est en marche. Je ne suis pas pour la ségrégation, je suis pour l'esclavage. Quand la marche pour la ségrégation prendra-t-elle fin et qui seront les prochaines victimes des suprématistes blancs américains? I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. And the backbeat, narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together at this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered. They are saying, forget the night. Live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. Iron Selon la presse américaine, on assiste ces dernières années à un renouveau considérable des mouvements racistes américains. Surtout le Ku Klux Klan, bien sûr, mais aussi les néo-nazis et les organisations d'extrême droite comme les Minutemen. Les Juifs veulent le pouvoir absolu. Leur but est de manipuler les autres races. Ils veulent dominer le monde. Certes, l'aspect de folklore, l'aspect nostalgique du Ku Klux Klan lui attire des supporters en nombre surprenant. Je suis la mère de 4 enfants et j'ai vu ce qu'ils ont fait à mes enfants. À l'école, moi je veux la ségrégation. Il devrait y avoir une école pour les blancs et une pour les noirs. Je crois que Dieu a fait les blancs et qu'ils devraient être séparés. Mais le poids politique du mouvement reste strictement limité au vieux sud des États-Unis. Alors, ces hommes en cagoule et robe sont une minorité, infime sans doute, mais ils montrent qu'une certaine image du Sud reste vraie, et que 111 ans après la fin de la guerre civile américaine, certains n'ont toujours pas admis que le Sud raciste et esclavagiste était mort. La fin des années 70 marque en effet le début d'un nouveau retour sur le devant de la scène des militants du Ku Klux Klan. Plongée dans une crise morale et économique, l'Amérique doute d'elle-même et de ses valeurs. Et c'est dans ce climat, précisément, que le Klan et ses formations affiliées arrivent à convaincre de nouveaux partisans pour atteindre près de 12 000 adhérents en 1982. L'un des événements marquants de ce retour sur le devant de la scène du Ku Klux Klan se déroule en 1979 à Greensboro. Dans cette petite ville textile de Caroline du Nord, le retour des militants du Klan s'accompagne d'une recrudescence des organisations dites « gauchistes ». Parmi elles, le Parti communiste révolutionnaire et l'Organisation des travailleurs qui ont fait du Ku Klux Klan et de leurs différentes provocations la cible de leur combat. En juin 1979, alors que le Klan procède à une projection du film « Naissance d'une nation » de Griffith, les militants de l'Organisation des travailleurs viennent sur place, brûlent certains drapeaux sudistes ainsi que la copie du film. Après cette première action réussie, les organisations de gauche appellent à une manifestation pour protester contre le Klan. Cette manifestation a lieu le 3 novembre 1979. Ce matin-là, ils sont à peine une cinquantaine à progresser lentement le long de Florida Street, l'une des principales artères du quartier noir de la ville. Ils scandent des slogans tels que « Mort au Klan » et « brûlent des effigies sudistes ». À 11h23, l'un des journalistes caméramans présents sur place filme l'arrivée de 7 voitures dont des hommes sortent armes à la main et tirent dans la foule des manifestants. La fusillade a duré 88 secondes. Les assassins sont sortis de leurs véhicules, ont vidé leurs chargeurs pendant que d'autres criaient « Négro, youpin, on est là !» Après leur départ, sur le long de Florida Street, le bilan est de 3 morts et 10 blessés, dont 2 mourront à l'hôpital. Parmi les survivants, des larmes et des cris, ceux de cette femme, par exemple, qui accuse le gouvernement de complaisance avec les membres du Klan. Le Klan et le gouvernement ont agi ensemble. L'État protège le Klan, c'est clair, dit cette femme. Quelques minutes après le drame, la première personne arrêtée, le chef des manifestants du Parti des travailleurs communistes. Les responsables de la tuerie, les membres du Klan et d'un groupuscule nazi, eux, sont arrêtés quelques jours plus tard. Lors de ce premier procès, la violence des deux camps est mise au même niveau par une partie de la presse, des autorités civiles de la ville et, bien entendu, par la police. Le Parti des travailleurs communistes est représenté comme un groupe d'agitateurs, violents, provocateurs. Les clanistes et les néo-nazis, eux, sont décrits seulement comme des anticommunistes. Leurs partisans en font même un argument de défense, comme s'ils avaient combattu le mal. Virgil Griffin, grand dragon de l'invisible empire, déclare publiquement, je cite, qu'il ne pensait pas que les communistes avaient le droit de parader dans les rues et qu'il ne voyait pas de différence, finalement, entre tuer des communistes au Vietnam et en tuer ici. Dans les deux cas, c'est du patriotisme, ajoute-t-il. Au bout du compte, l'ensemble des accusés est acquitté. Malgré ce premier verdict, la recherche des responsabilités se poursuit, notamment grâce aux recherches de plusieurs associations qui découvrent que les autorités étaient au courant des intentions des militants du Klan. Oui, Et pour cause d'ailleurs. Au sein des différents groupuscules, il y avait plusieurs indics de la police, dont le claniste Ed Dawson, qui était l'un des informateurs du FBI et des flics de la ville. Le jour de la manifestation, il indique même par téléphone aux autorités les lieux où se dérouleront les combats les plus violents. En 1981, devant les caméras d'un journaliste de la télé française, Joe Gravy, l'un des chefs du KKK, confirme que le FBI, effectivement, était au courant. J'ai prévenu que la prochaine fois, il y aurait un bain de sang à Greensboro. J'ai prévenu les médias et le FBI. J'ai prévenu tout le monde. Mais personne ne m'a écouté. Ils espéraient que la droite se ferait décimer. Et ça a été le contraire. Alors, dire qu'ils n'étaient pas au courant, ça ne tient pas debout. Le 23 avril 1983, soit 4 ans après les faits, 6 clanistes et 3 néo-nazis sont accusés de conspiration en vue d'empêcher le libre accomplissement du droit fédéral de manifester. Parmi eux, Ed Dawson, l'indique des policiers. Ce second procès dure 14 semaines. Plus de 120 témoins sont entendus. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont choisi le clan et qui sont prêts à tuer en son nom? Voici quelques éléments de réponse dans ce montage d'entretien de clanistes interviewé au début des années 80 par des journalistes français. What is a clansman for you? Qu'est-ce être un membre du clan pour vous? C'est être un homme blanc qui croit en Dieu Tout-Puissant, au drapeau des États-Unis et à la Constitution qui garantit sa liberté. Il doit être prêt à prêter serment et à se battre pour ses idées. Je jure fidélité absolue à la race blanche dans le monde. Je jure de m'opposer à tout mélange des races. Je jure de garder toute information secrète et déclare sur l'honneur n'avoir fait aucune fausse déclaration. Se battre jusqu'à quand? Jusqu'à la dernière goutte de son sang, jusqu'à la mort. Ça, c'est le drapeau du Sud. Il est notre fierté. Il symbolise le racisme. Tout le pays devrait être raciste. Reste à convaincre le Nord. Je viens de remarquer votre arme. Oh ça, c'est un calibre 16. J'ai scié le canon pour disperser les balles. C'est pour le combat de près. Les Blancs de ce pays doivent reprendre le pouvoir. Ils ne l'ont pas? Non, absolument pas. Ce pays est dirigé par les Juifs et les minorités. Le 19 avril 1984, le verdict du second procès tombe. Tous sont acquittés. Et encore une fois, le jury populaire était exclusivement composé de personnes blanches. Une troisième procédure civile permettra enfin de reconnaître légalement responsable de la mort des manifestants 3 membres du clan, 2 néo-nazis, mais aussi 2 policiers. Aucun, pourtant, n'ira en prison. Et à Birmingham, les assassins de l'attentat de l'église baptiste de la 16e rue de 1963, où 4 jeunes filles sont mortes par l'explosion de bâtons dynamite, ont-ils été jugés? Eh bien, il aura fallu attendre l'année 2001, soit 38 ans après le drame, pour que les 2 seuls clanistes survivants soient arrêtés et présentés à la justice. Après plusieurs semaines d'audience, ils sont tous les 2 reconnus coupables et condamnés à la perpétuité. En ce début de nouveau siècle, si la justice rattrape certains des assassins clanistes, les idées du clan prospèrent toujours. En 2002, le Centre pour un renouveau démocratique recensait 133 groupes du KKK et on estimait à 6000 le nombre de ses membres. Parmi eux, ces 2 jeunes gens que le journaliste de France 2, Sébastien Vibert, avait rencontrés pour Envoyé spécial. Ils ont à peine 30 ans, ils n'ont connu ni la ségrégation, ni le Vietnam, ni la guerre contre les Soviétiques, mais ils ont reçu cette haine en héritage. C'est Dieu qui a dit qu'il y avait une race élue, et elle est blanche. Et on doit la garder blanche. Et vous aussi. J'apprendrai à mon enfant que blanc, c'est bien. Si jamais je la surprends avec un homme noir, ou rose, ou vert, je la frapperai jusqu'à ce qu'elle puisse plus respirer. Une de mes ex m'a dit un jour, « Et si je sors avec un noir, est-ce que je peux revenir ?» J'ai dit, « Non, chérie, quand on sort avec un noir, on ne peut pas revenir, c'est comme ça. » Ma petite fille, elle va vraiment savoir ce que blanc veut dire. Elle va savoir qu'elle est blanche et que la seule façon d'être, c'est d'être blanc. Où étaient-ils le 12 août 2017, ces gens qui tiennent ce discours, quand à Charlottesville, une jeune femme de 32 ans est morte à cause de l'un de leurs compagnons nostalgiques du nazisme? Combien sont-ils aujourd'hui aux États-Unis à se revendiquer du suprématisme blanc? Au lendemain du décès d'Ada Heyer, Donald Trump estimait qu'il y avait des torts des deux côtés. Oui, renvoyons ainsi dos à dos les manifestants d'extrême droite et les antiracistes. Barack Obama, l'ancien président, a préféré dire « Personne n'est né en haïssant une autre personne pour la couleur de sa peau, son milieu ou sa religion ». Deux réactions pour deux Amériques, opposées l'une à l'autre, qui vivent en parallèle depuis des décennies. Est-ce que l'Amérique de la haine, celle du Ku Klux Klan, dont les militants ont espéré pendant des années marcher jusqu'à Washington, a gagné avec la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche? L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, la guerre de sécession et ses conséquences sont toujours des feux mal éteints que les nostalgiques sudistes tentent encore de raviver. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, and bitter cry. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan avec notre invité Romain Huret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien des États-Unis, directeur d'études à l'École des hautes études sociales. Vous êtes l'auteur, notamment, de l'ouvrage intitulé « Les conservateurs américains se mobilisent, l'autre culture contestataire », ainsi que d'une tribune publiée dans le journal Le Monde après les événements de Charlottesville. On reviendra sur cette tribune, d'ailleurs, autour de deux arguments que vous mettez en avant. Avant de revenir sur les événements des derniers mois et le retour sur le devant de la scène des membres de la mouvance All Right et du Ku Klux Klan, évoquons ce dernier, créé au lendemain de la défaite sudiste en 1866. Comment vous définiriez cette organisation au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui? L'organisation a beaucoup changé. Hein. Historiquement, on distingue trois clans différents. Le premier après la guerre de sécession, vous l'avez évoqué. Le deuxième dans les années 20, après le film Naissance d'une nation. Et ce mouvement devient un mouvement de masse. Hein. Dans les années 20, il y a plus de 4 millions de personnes qui adhèrent au clan. Donc on voit bien l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et là, on est dans ce que les historiens appellent le troisième clan, c'est-à-dire une série de petits groupuscules hein, tournés autour, toujours autour des questions identitaires, mais qu'on a beaucoup de mal à chiffrer et qui fait parler de lui assez régulièrement. Vous avez scandé hein, les grands moments dans, au cours des dernières années, mais on est dans une phase de déclin. Hein, dans le temps long de l'histoire, le clan n'est plus du tout ce qu'il était. Alors, il y a quand même un lien à partir des années 70 qui doit le renforcer, en tout cas renforcer l'idéologie défendue, c'est le lien avec les groupes néo-nazis et paramilitaires. Oui, absolument, et beaucoup d'événements, hein, de la crise économique des années 70 au 11 septembre 2001, à l'élection de Barack Obama, ont renforcé hein, cette alliance entre les groupes néo-nazis et le clan aujourd'hui. Alors, sur le fond et la philosophie, si j'ose dire, de ces gens, dans la tribune que vous avez écrite pour Le Monde, vous mettez un certain nombre d'arguments en avant. Alors, on va pas tous les faire, ce serait trop long, mais j'en retiens deux intéressants que j'aimerais que vous développiez. L'hostilité à l'État fédéral. Il semble que ce soit le credo principal, enfin l'un des credos principaux de ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que cette hostilité vis-à-vis du pouvoir fédéral ? Il y a une détestation très forte de Washington hein, qui, pour beaucoup de membres du clan, hein, montre la volonté de l'État fédéral hein, de les asservir. Hein, et donc ils n'en sont plus libres dans leur vie quotidienne. L'État fédéral leur impose des lois, leur a imposé les lois de déségrégation, leur impose l'impôt. Et donc il y a une volonté très très forte, hein, systématiquement, de lutter contre l'État fédéral qui empêche aux citoyens américains d'être véritablement libres. Et c'est quoi cette vision apocalyptique de l'avenir que vous évoquez également dans cette tribune ? Alors c'est une vision qui n'est pas propre aux États-Unis, hein, qu'on voit dans beaucoup de mouvements d'extrême droite. C'est l'idée du grand remplacement. Hein. Les démographes estiment que dans les années 2050-2060, les blancs aux États-Unis vont devenir une minorité. Et pour ces militants, hein, c'est bien évidemment une vision apocalyptique et la fin de leur rêve américain. Alors, à travers les archives qu'on a entendues, on s'aperçoit que la liberté d'expression, évidemment, c'est bien, on y adhère tous hein, en tant que démocrate. Mais il y a une liberté d'expression aux États-Unis qui permet de dire, et on a entendu ce qu'on a entendu. En France, on peut pas dire, il faut une société raciale, les blancs sont supérieurs aux noirs, il y a des lois, heureusement, pour cela. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, c'était pas le cas, hein, que ça pose aussi cette question-là. Oui, tout à fait. Je pensais à ça en écoutant vos archives extraordinaires. Il y a cette liberté d'expression, elle est sacrée aux États-Unis, même si on a vu depuis les événements de Charlottesville des groupes de défense de la liberté d'expression qui ont commencé à dire que peut-être Internet et tous ces nouveaux moyens d'expression devaient susciter un débat autour de cette sacro-sainte liberté d'expression. Et il y a aussi la question de la justice et de l'impunité, ce qui sont deux notions qui ne vont pas ensemble. On l'a vu, selon les États où se sont déroulés les actes criminels de cette mouvance-là, la mouvance du clan, des assassins ont obtenu de l'aide, des autorités, du jury populaire, et puis aussi de certains policiers. C'est quoi cette collusion ? C'est ce que les Afro-Américains appellent le racisme institutionnel, hein, à savoir un racisme qui est complètement ancré hein, dans les institutions locales, hein, la justice, la police, et qui rend extrêmement difficile, bien évidemment, la liberté pleine et entière des Afro-Américains aux États-Unis aujourd'hui. Avant Charlottesville, il y a eu l'attentat d'Oklahoma City en 1995, qui fut l'attentat, alors rappelons-le, le plus violent aux États-Unis jusqu'au 11 septembre 2001, bien sûr, avec 168 morts et plus de 680 blessés. Vous rendez compte, 168 morts, 680 blessés. On va écouter ensemble un extrait du journal de France 2 qui annonce le nom et le profil du suspect. Encadré par les policiers du FBI, Timothy McVeigh sort sous les huées de la foule. Direction une prison locale. McVeigh, un ancien militaire proche de l'extrême droite, aurait agi par vengeance contre le gouvernement fédéral après le raid contre la secte de Waco. Interpellé une heure après l'attentat pour excès de vitesse, il est rapidement inculpé de destruction de bâtiments fédéraux. Et à en croire Bill Clinton, qui intervient quelques minutes après l'annonce officielle de son arrestation, son sort, s'il est coupable, est scellé. La justice pour ces tueurs sera déterminée, rapide et sévère. Nous les condamnerons et nous demanderons la peine de mort. Le travail des enquêteurs est loin d'être achevé. Ils devront notamment éclaircir le rôle de la ministre du Michigan, auquel appartiendrait Terry Nichols, le deuxième suspect actuellement interrogé. La milice qui, dès hier, a tenu à nier toute implication dans l'attentat. Romain, on s'aperçoit que ce Timothy McVeigh, hein, donc responsable de l'attentat, avait combattu, lui, au Koweït. Et puis que lors de l'attentat de Greensboro, nous étions au lendemain de la fin de la guerre du Vietnam. Est-ce que le contexte de la guerre est un terreau fertile pour les mouvances dont nous parlons? Oui, absolument. Il y a un lien très étroit à chaque fois entre les guerres à l'intérieur, la guerre de sécession ou les guerres à l'extérieur, hein, très nombreuses au cours du XXe siècle, et l'appartenance à ces groupuscules. Hein. Ce sont souvent d'anciens soldats démobilisés qui gardent une grande nostalgie de leur épreuve du combat et qui aiment le compagnonnage viril, les sorties le week-end avec d'autres membres du clan ou d'autres organisations. Et ils ont l'impression de reproduire cette camaraderie des tranchées qu'ils ont connue aux États-Unis ou ailleurs. Romain Vray, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté The Youth Against Fascism. Romain Vray, reprenons notre réflexion autour du Ku Klux Klan et plus globalement des mouvements d'extrême droite aux États-Unis. La mouvance alt-right, comment la définir? Est-ce que c'est une fédération de l'intolérance, si j'ose dire? Oui, c'est une accumulation de petits groupuscules qui ont essaimé dans le pays, notamment grâce à Internet, depuis une dizaine d'années. Ce qui change peut-être par rapport au clan que vous avez décrit dans l'émission, c'est les liens avec l'Europe et avec les débats identitaires en Europe. Et on voit ces militants qui sont souvent passés par l'Autriche, qui sont souvent passés par la Belgique, par l'Europe de l'Est, et qui sont retournés aux États-Unis avec l'idée qu'il y a une menace identitaire extrêmement forte pour la race blanche, et qu'il faut se mobiliser non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, sinon la race blanche va disparaître. Et alors, c'est quoi le profil sociologique de ces gens-là? Ce sont de nouvelles catégories de personnes. Vous disiez que le Ku Klux Klan, ça avait changé. Il y a des nouvelles catégories de personnes. Il y a des jeunes diplômés. Il y a des idéologues qui ont une vision de l'histoire et puis quelques têtes pleines d'eau, si j'ose dire, autour. Ce sont des intellectuels ou c'est un mouvement de masse pas forcément réfléchi? intellectuelle, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que par rapport aux militants que vous avez présentés dans les années 50, 60, voire jusqu'à la fin des années 90, la colonne vertébrale idéologique est beaucoup plus forte. Et elle s'appuie sur toute une série de textes publiés aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et je le rappelle, c'est très important, cette collision d'intérêts, et qui donne une pensée plus forte aux thèses, et qui s'exprime sur Internet. J'invite vos auditeurs et auditrices à aller voir sur les sites des propos qui s'appuient sur toute une littérature conspirationniste et idéologique, et qui mettent l'accent une fois de plus sur la disparition programmée de la race blanche. C'est ça, il y a donc une pensée, une idéologie, on n'est pas juste dans un réflexe de défense par rapport à des questions sociales, des questions actuelles. Il y a vraiment une idéologie, quoi. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller voir sur les sites. Ce sont les mêmes auteurs qui reviennent, les mêmes idées qui reviennent, et l'idée d'un combat mondial qu'il faut se mobiliser. Ils sont persuadés que le grand soir va arriver, qu'il y aura un combat à l'échelle mondiale, et que les Blancs doivent l'emporter, sinon ils vont disparaître. Mais qui finance ces organisations? Et il y a une deuxième question derrière celle-là. Est-ce qu'il y a de l'entrisme de la part de ces gens et de cette mouvance, à la fois dans les sphères politiques et dans les sphères économiques? Oui, bien sûr. Ils sont présents dans les universités, dans des organisations nationales, et c'est le but. Il faut absolument diffuser leurs thèses en direction du plus grand nombre, et c'est un combat, une fois de plus, qui doit être mené chaque jour, au quotidien, pour éviter l'apocalypse à venir. Oui, mais est-ce qu'ils ont des relais efficaces? Parce que faire de l'entrisme et du lobbying, c'est une chose, le réussir, c'en est une autre. Est-ce qu'il y a des relais, vraiment, chez les politiques, dans les sphères économiques? Oui, chez les politiques. Oui, tout à fait. On a cité Donald Trump. On a rappelé que le père de Donald Trump a été membre du Klan. On a également cité toute une série de membres de l'administration Trump qui ont été très proches dans leur jeunesse ou encore aujourd'hui de ces thèses de la alt-right aux États-Unis. Et auprès de certaines entreprises? C'est plus difficile. Les entreprises ont peur des conséquences graves en termes de relations publiques. Donc ils évitent de s'acoquiner avec ces membres du Klan ou d'autres organisations. Et auprès de la police et de la justice? Beaucoup, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce fameux racisme institutionnel. Il faut pas oublier que ces organisations sont des familles, et donc comme dans toute famille, on a des liens avec des oncles qui sont dans la police, et on se protège notamment dans les petites villes du Sud en cas d'incident ou de violence contre des personnes. Alors on va écouter la réaction, la réaction de Donald Trump aux événements de Charlottesville. Donc un journaliste lui demande si on peut qualifier cet acte de terrorisme. Vous allez entendre la réponse de ce président américain qui semble vouloir dire les choses sans les dire exactement, mais on arrive à lire entre les lignes. Driver of the car is a disgrace to himself, his family and this country. Le conducteur de la voiture est une honte pour lui-même, sa famille et ce pays. You can call it murder. You can call it whatever you want. Qu'avez-vous à dire sur les alt-left qui sont venus charger les alt-right? Éprouvent-ils le moindre sentiment de culpabilité? J'ai observé de beaucoup plus près que vous ne l'avez fait. Il y avait un groupe d'un côté qui était mauvais et un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. You had a group. Personne ne veut en parler, mais moi, je vous le dis maintenant. Il y avait un groupe de l'autre côté qui a chargé sans autorisation. Ils étaient très, très violents. J'ai condamné les néo-nazis. J'ai condamné plusieurs groupes différents, mais tous n'étaient pas des néo-nazis. Croyez-moi, tous n'étaient pas des suprémacistes blancs. Loin de là. Ces gens venaient aussi manifester contre le démontage de la statue du général Lee. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, Romain Huret, de cette déclaration? On va essayer de la décoder ensemble. Ce sont des propos extrêmement choquants. Et vous avez rappelé que dans le passé, il y a eu d'autres moments où on a mis sur un pied d'égalité des organisations de la gauche américaine et des organisations d'extrême droite. Là, c'est dans la bouche du président des États-Unis qui ne condamne pas fermement ces agissements et qui reprend le discours qu'on entend souvent dans les milieux d'extrême droite sur le privilège dont bénéficieraient la gauche, les médias, les minorités à Washington, et que dès que les Blancs essaient d'exercer ce privilège, on leur retire immédiatement. En quoi la présence de Donald Trump, à votre avis, la présence de Donald Trump à la Maison Blanche, a libéré la parole de l'extrême droite américaine? Est-ce qu'elle l'a libérée? Oui, parce que sa parole est libérée. Il accuse tel juge d'être mexicain et donc d'être incompétent. Il a voulu construire un mur. Il défend sans cesse l'identité blanche du pays, l'identité éternelle des États-Unis. Donc ça a donné un sens très fort de légitimité qui explique la montée des tensions dans l'Amérique aujourd'hui. Et vous pensez que l'extrême droite américaine a joué un rôle dans l'élection de Trump ? Oui, bien sûr. Dès le départ, hein, ça a toujours été leur candidat, dès les primaires républicaines au début de l'année 2016. Hein, ils ont toujours beaucoup aimé Trump par sa manière de parler, son exubérance. Et ils ont milité pour Trump au quotidien. Il faut pas oublier ça. Ce sont les militants que vous avez présentés sont des gens qui ont la politique qui est chevillée au corps. Hein. Ils aiment Internet, ils aiment faire de la politique, ils aiment débattre, et notamment sur les forums. Et bien évidemment, ils ont beaucoup débattu autour de Trump et ils en ont fait leur candidat en 2016. Alors on peut penser aussi que cet événement ne va pas unir et renforcer également l'opposition au sein des États-Unis, ou que ça va renforcer au contraire les idées, démocrates, les valeurs qui devraient être celles d'un pays comme les États-Unis. Est-ce que Charlottesville a allumé une lumière rouge, une alerte pour qu'il y ait une mobilisation? Oui, pas seulement Charlottesville, je crois que l'élection de Donald Trump aussi a allumé cette lumière rouge. Hein. Beaucoup d'Américains, notamment beaucoup de jeunes, hein, ont compris l'importance de la vie politique, l'importance du débat démocratique et l'importance d'entrer en politique, d'aller voter. Et donc il faut espérer que les jeunes Américains, parce que ça sera leur avenir, et vous avez passé un morceau de Sonic Youth qui le disait bien, oui, vont se mobiliser pour faire en sorte que le pays chasse définitivement ses vieux démons. Et alors cette statue de Robert Lee, le héros des sudistes, elle est toujours présente à Charlottesville, parce qu'on se dit quand même que c'est vraiment peut-être attiser les haines, les passions, que de laisser cette statue-là. Oui, c'est ce fameux racisme institutionnel dont je parlais. Mmh. Hein, les Afro-Américains disent que le paysage du Sud est rempli de ces statues qui célèbrent le passé esclavagiste, qui célèbre le vieux Sud, et donc il faut éduquer, hein, il faut supprimer ces marques de ce racisme pour permettre l'émergence d'une Amérique véritablement multiculturelle et égalitaire. Oui, ça passe peut-être par là, effectivement. Merci beaucoup Romain Huret pour les éclairages que vous nous avez apportés autour du Ku Klux Klan, de l'extrême droite américaine. Je rappelle que vous étiez dans les studios de Radio France à Bruxelles, accueillis par notre ami correspondant permanent Quentin Dickinson, que nous remercions. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Ku Klux Klan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Stéphane Beaujat et à Loïc Frapsos qui étaient à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire Richard Roman avec comme invité le célèbre avocat pénal Henri Leclerc. Puisque j'ai 45 secondes devant moi, je vais en profiter pour vous annoncer le programme de la semaine. Demain, dans Affaires Sensibles, le meurtre de la petite Céline Jourdan et le calvaire de Richard Roman, accusé à tort parce qu'il était berger, parce qu'il ne vivait pas comme les gens du village. C'est un peu ce que dénonçait Brassens dans sa chanson La mauvaise réputation. C'est l'histoire d'une erreur judiciaire qui, vous le savez, n'est jamais loin de l'horreur judiciaire. Mercredi, de 2005 à 2013, l'affaire Florence Cassé, du nom de cette Française, emprisonnée au Mexique pendant 8 ans et libérée pour vice de forme, un casse-tête pénal mais aussi diplomatique. On sait que Nicolas Sarkozy, président à l'époque, avait joué un rôle important. Et puisque j'y suis, jeudi, le boycott des JO de Moscou en 1980 pour cause d'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Et puis vendredi, bien ce sera, puisque c'est vendredi, la fiction, elle sera consacrée vendredi à Serge Gainsbourg avec le titre suivant, En route vers la célébrité.